something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, rock the way we rock it. So don't stop, stop. C'était Justin Timberlake et on va l'écouter avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Il est 6h tout pile, on est vendredi, ça fait plaisir, c'est la fin de la semaine vendredi aujourd'hui. On est le 5 août, on va faire un point sur l'actu, le sport avant de démarrer le morning. Rap R&B sur Skyrock et pour l'actu, le sport et la météo comme tous les matins cette semaine. C'est Jules qui est là avec nous, avec vous. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Ça va bien la pêche? Nickel, nickel. Bon super, la météo ça dit quoi aujourd'hui? Eh ben ça va ce matin, il fait beau sur la majorité du pays. On a de la pluie sur le nord-est et sur la région Rhône-Alpes et de la grisaille sur le nord de l'Auvergne. Cet après-midi du soleil sur tout le pays, on attend juste encore quelques averses sur l'Alsace et la Franche-Comté. Les températures ce matin vont de 15 à 27 degrés, 16 à Clermont-Ferrand et Mulhouse, 19 à Lille, Paris et Bordeaux, 20 à Toulouse et 23 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 18 à 28 degrés, 18 à Caen, 20 à Brest, 21 à Lens et Nancy, 22 à Biarritz et Lyon, 23 à Orléans et 28 à Nice et Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, des indices entre 2 et 5, 3 à Tours, 4 à Nantes et 5 à Nice. Pitbull avec Florida, Greenlight, c'est juste après l'actu maintenant. Attentat à Nice, le bilan pas... 5 morts. 3 semaines après l'attentat, un homme blessé lors de l'attaque du 14 juillet est mort. Il a succombé à ses blessures. Il était en réanimation. Christian Estrosi, le président de la région PACA, a réagi sur Twitter. Toutes ses pensées vont à la fille de la victime et toute sa famille et ses proches. Ce décès porte le nombre de morts à 85 et 434 au nombre de blessés. Attaquer l'État islamique sur tous les fronts, c'est ce qu'a assuré Barack Obama hier. Le président américain s'est exprimé au Pentagone après une réunion de travail avec ses conseillers militaires. Il a évoqué les attentats de Nice et d'Orlando. Il a répété sa détermination à venir à bout des terroristes. Une lutte qui passe par le règlement de la guerre en Syrie, un pays où la coopération militaire des Russes ne satisfait pas Barack Obama. Le Conseil constitutionnel censure 5 mesures sur la loi travail, des mesures secondaires du texte porté par Myriam El Khomri, 2 sur le fond consacrées au dialogue social dans les entreprises franchisées et 3 sur la forme. Manuel Valls se félicite de la validation du texte et parle d'une mise en œuvre rapide. Soutenir la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024, principale raison de la visite de François Hollande en ce moment à Rio. Dans un contexte d'attentat, il a rappelé qu'à travers Paris, c'est la France qui est candidate. Notre objectif, évidemment, soutenir les athlètes français. Après la visite du parc olympique, le président

Et on commence donc par le temps de ce vendredi. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Alors la météo, c'est comment? Bah c'est mieux qu'hier, hein. Ce matin, il fait beau sur l'ensemble du pays. On a encore de la pluie sur l'est de la France et de la grisaille sur le nord de l'Auvergne. Cet après-midi, du soleil sur tout le pays. On aura juste encore quelques averses sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 27 degrés, 16 à Aurillac et Strasbourg, 19 à Lille, Paris et Bayonne, 20 à Agen et 23 à Avignon. Cet après-midi, elles vont de 18 à 28 degrés, 18 à Nantes, 20 à Brest, 21 à Lille et Metz, 22 à Bordeaux et Lyon, 23 à Orléans et 28 à Cannes et Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier aussi, des indices entre 2 et 5, 3 à Auxerre, 4 à Toulouse et 5 à Perpignan. On va écouter Major Lazer avec Justin Bieber juste après un point sur l'actu, il est 6h30. 40 médailles, c'est l'objectif de la France à Rio. Aujourd'hui, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2016, la France va tenter de dépasser son score de 35 médailles obtenues à Londres en 2012. Alors, quelles sont nos meilleures chances de médailles? Bah, évidemment, Teddy Riner en judo avec ses 8 titres de champion du monde, Renaud Lavillény qui remet son titre en jeu en saut à la perche, ou encore Florent Manaudou en natation, invaincu sur le 50 mètres nage libre depuis 4 ans. Et pour soutenir ses athlètes, justement, François Hollande est à Rio. Le président a déjeuné avec les sportifs tricolores hier, évidemment. Il est aussi au Brésil pour promouvoir la candidature de Paris au JO 2024. Dans un contexte marqué par les attentats, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et rappelé qu'à travers Paris, c'est la France qui est candidate. Attentat de Nice, le bilan s'alourdit à 85 morts. C'est Christian Estrosi, le président de la région PACA, qui l'a annoncé sur Twitter. Pierre Atman, 56 ans, décédé suite à ses blessures à l'hôpital Pasteur de Nice. Son épouse et son fils sont aussi morts dans l'attentat. Leur fille de 14 ans est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Pas certain de pouvoir faire confiance aux Russes et à Vladimir Poutine. Les mots de Barack Obama hier, le président américain s'est exprimé au Pentagone après une réunion de travail avec ses conseillers militaires. Il a critiqué la coopération militaire russe avec la Syrie. Il a aussi évoqué les attentats de Nice et d'Orlando et a répété sa détermination à venir à bout de l'État islamique. Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi travail. 5 mesures secondaires ont été censurées. Manuel Valls s'est félicité de cette validation et parle d'une mise en œuvre rapide. Et une info au Pokémon Go, si vous kiffez cette appli qui vous permet d'attraper des Pokémon en réalité augmentée sur votre smartphone, eh bien sachez que plus tard, vous en aurez peut-être plus besoin. Niantic, le studio à l'origine du jeu, espère dans le futur pouvoir jouer avec des lentilles connectées qui se superposeront sur votre champ de vision. Mais pour l'instant, rien de concret, seulement un simple projet. On termine avec du sport, un truc à la noix. Les mots de la sélectionneuse des basketteuses françaises Valérie Garnier pour parler de la blessure de la meneuse Céline Dumerc, forfait pour les JO 2016. Les braqueuses vont devoir faire sans leur leader emblématique blessé à la cheville gauche. L'expérience a fait la différence. Déclaration d'après-match Christophe Galtier, l'entraîneur de la Saint-Etienne. Les Verts se sont qualifiés pour les barrages de l'Europa League en battant 1-0 le club grec d'AEK. Lille de son côté s'est inclinée en Azerbaïdjan contre Kabbalah 1-0 et est donc éliminée. Merci Jules, retour tout à l'heure vers 7h pour l'actu. À toutes. 6h32 sur Skyrock, on est vendredi 5 août. Le Morning Rap R&B avec votre horoscope là dans un instant, dans la demi-heure qui arrive. La roulette qui va tourner un petit peu plus tard et puis du son, on y retourne tout de suite avec Major Lazer et Justin Bieber. Voici Coldwater. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will

passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Maître Gims sur Skyrock avec Ma Beauté, 6h47, on se fait un bon classique là. Souvenez-vous de Camillionnaire, c'était en 2006, il y a 10 piges. Camillionnaire, Ride In sur Skyrock, enchaîné à Tal, juste après avec Are We Awake. Bon réveil. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. Catch me riding dirty, tryna catch me riding dirty, tryna catch me riding dirty, tryna catch me riding, tryna catch me riding dirty. They can see me lean, I'm tense, so it ain't easy to be seen. When they see me ride by, they can see the gleam. And I shine on the deck in the TV screen. Ride with a new chick, she like hold up. Next to the PlayStation controller, it's a full clip in my p. Send a jacker into a coma. Girl, you ain't on crazy like crazy. Bone just tryna bone, ain't tryna have no babies. Ride clean as hell, so I pull in ladies. Laws on patrol, and you know they hate me. Music turn all the way up into the maximum. I got speakers, try to jack for some, but we packing something and what we have for we have a locked up in the maximum. Security cell, I'm gripping old. Music loud and I'm tipping slow. Twin steady twisting like hit this dough. Behind and it's in his throw. The windows down, gotta stop pollution. City changed, like who was that producing? Just to plan skills when we out and cruising. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Tryna get me riding dirty, tryna get me riding, tryna get me riding dirty. I've been smoking, holy, cause I really can't focus. I gotta get it home with a popo scope. This big old scourge just swerving all up in the curb and been sipping on the hit, singing the gin again, the sin again. We in the wind, doing a hundred while I puff on the block. I roll another one up, we living like we ain't one. I got a blood up in my right hand, I see my left freezing my. Running up the tree, green leaves and all. Coming pretty deep, me and my dogs. Yo, like a nigga the back streets. Wondering about the 6 pounds that I got hit. Lock shots to the block, we creak, creak. Pop, pop, hook. See me on a low key. With no regard for the law, we dodge them like come on. But I won't get caught up and brought up on charges for none of y'all. Keep a car in a blunder spot. Run up if you want, popping dog. Ready or not, we in the air, crazy bone and chameleon. They see me rolling, they hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding. So I try to let you go, turn on my blinker light and then I swing it slow. Step for show, cause they think they know that they catching me with plenty of the drink and drove. So they get behind me, trying to check my tags. Look at my rear view when they smiling. Thinking they'll catch me in the wrong and keep trying. Instead of denying that it's racial profiling. Houston, Texas, you can check my tags. Pull me over, try to check my slab. Glove compartment, gotta get my cash. Cause the crooked cop try to come up fast. And being the baller that I am, I talk to them, giving a damn about I'm not feeling my attitude. When they realize I ain't even riding dirty, but you'll be leaving with an even madder mood. I'ma laugh at you and then I have to cruise. Jamming number two on some old DJ screw. You can't arrest me, plus you can't sue. This is a message to the law, tell them we hate you. We touch, so tell them that they should've known. Tip it down, I'm sitting crooked on my chrome. Booking my phone, finding the chick I wanna bone. Like they couldn't stop me, I'm about to pull up at your home. They see me rolling, they hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock.

visit the lean, the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, money killers on their hands. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. Main out the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they pull up your band, poker killers on the stand. Hey! Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shoe, sipping fan. Credit cards in the scams, wake up beside the shoe, let designer, over to Lady shoe. They be edging rent, I know we clapping shoe. I be pulling my stuff in the fanny shoe. I got plenty of stuff for Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, fan. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the fan. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot in the money. No killers, pull up in the end of baby. CTD, they pull up in the killer, baby. Call a filler, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby Katrina, chapter dawn, doing business in the brave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just a doggy in the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the band. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on their helmets. Legacies, family. Way and see, panda. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then they pull up your band. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the fan. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then they could pull up your band. Hope you killers understand me. Panda. Designer sur Skyrock avec Panda en ce vendredi matin pour vous accompagner au réveil, hein, pour la plupart, bon début de journée, courage si vous allez bosser, peut-être déjà au taf là en train de nous écouter. Il y a plein de sons à se faire tous les matins, toute cette semaine sur Skyrock, le morning rap R&B avec dans un instant Drake et One Dance, mais juste avant on va faire un point sur l'actu, le sport, la météo avec Jules à 6h58. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Et on commence par le temps, ça dit quoi, beau, pas beau? Eh ben il fait beau ce matin sur la majorité du pays, on a de la pluie sur le nord-est quand même et sur la région Rhône-Alpes et de la Grisaille sur le nord de l'Auvergne. Cet après-midi, du soleil sur tout le pays. On aura juste encore quelques averses sur l'Alsace et la Franche-Comté. Les températures ce matin vont de 15 à 27 degrés, 16 à Clermont et Mulhouse, 19 à Lille, Paris et Bordeaux, 20 à Toulouse et 23 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 18 à 28 degrés, 18 à Lorient, 20 à Brest, 21 à Rennes et Nancy, 22 à Biarritz et Lyon, 23 à Orléans et 28 à Nice et Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, des indices entre 2 et 5, 3 à Tours, 4 à Rouen et 5 à Cannes. 6h59, le son de Drake arrive juste après l'actu maintenant. Rio promet la plus grande fête jamais organisée au Brésil. Aujourd'hui, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2016. Elle se déroule au stade mythique de Maracana, pays du carnaval et de la samba. On le sait, les Brésiliens aiment la fête. 80 000 spectateurs ce soir et des millions de téléspectateurs à travers le monde. La fête devrait être belle. François Hollande est à Rio, lui aussi. Le président a déjeuné avec les sportifs français hier pour les encourager. Objectif de 40 médailles, dont 15 en or. Évidemment, il est aussi au Brésil pour promouvoir la candidature de Paris au JO 2024. Dans un contexte marqué par les attentats, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et rappelé qu'à travers Paris, c'est la France qui est candidate. Attentat de Nice, le bilan s'alourdit à 85 morts. Christian Estrosi, le président de la région PACA, l'a annoncé sur Twitter. Un homme est décédé suite à ses blessures à l'hôpital Pasteur de Nice. Trois autres personnes sont toujours en réanimation. Son épouse et son fils sont aussi morts dans l'attentat. Seule leur fille de 14 ans est toujours hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Attaquer l'État islamique sur tous les fronts, c'est ce qu'a assuré Barack Obama hier. Le président américain s'est

pour les encourager. Évidemment, il est aussi à Rio pour promouvoir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Dans un contexte marqué par les attentats, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et a rappelé qu'à travers Paris, c'est la France qui est candidate. Attentat de Nice, le bilan s'alourdit à 85 morts. Christian Estrosi, le président de la région PACA, l'a annoncé sur Twitter. Un homme est décédé suite à ses blessures. Trois autres personnes sont toujours en réanimation. Pas certain de pouvoir faire confiance aux Russes et à Vladimir Poutine, les mots de Barack Obama hier. Le président américain s'est exprimé au Pentagone après une réunion de travail avec ses conseillers militaires. Il a critiqué la coopération militaire russe avec la Syrie. Il a aussi évoqué les attentats de Nice et d'Orlando et a répété sa détermination à venir à bout de l'État islamique. Le Sud et l'île de Beauté en alerte rouge incendie ce week-end. Des vents forts sont prévus, mais problème. L'ensemble des bombardiers à eau des Canadairs sont cloués au sol pour des vérifications après un incident lundi soir. Les résultats de l'expertise devraient être connus aujourd'hui et détermineront la reprise rapide des vols ou non. Pour faire face au risque, les 5000 pompiers des Bouches-du-Rhône ont reçu quelques renforts. On termine avec le sport. Céline Dumerc forfait pour les Jeux Olympiques. La meneuse des basketteuses françaises est touchée à la cheville. Les Bleus vont devoir faire sans leur leader durant la compétition. L'expérience a fait la différence en foot. Déclaration d'après-match de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Les Verts se sont qualifiés pour les barrages de l'Europa League après leur victoire 1-0 contre les Grecs d'AEK. Lille, de son côté, est éliminée. Défaite 1-0 en Azerbaïdjan contre Kabbalah 1-0. Sans commentaire. Sans commentaire, exactement. J'ai le retour tout à l'heure vers 8h. Ouais, à tout à l'heure. Allez, 7h32 sur Skyrock. Bonne matinée, bon réveil. Si vous êtes en train de vous réveiller là, tranquillement, peut-être au boulot. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Silento, c'est la suite du son. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.

Major Lazer sur Skyrock. Watch out for this, il est 8h50. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compil Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Skyrock. Et on fait tourner la roulette tout de suite. Il y a Designer qui arrive dans un instant. Léa est là en direct. Salut Léa. Salut, comment ça va? Mais bien, et toi Léa? Super, je suis trop contente. 21 ans en direct de l'heure de Neubourg, c'est ça? C'est ça. Bon, tu fais quoi aujourd'hui? À part être contente. Je suis en train de bosser. Déjà en train de travailler à ce temps-là? Eh oui. C'est quoi ton boulot? Je suis en alternance, service qualité sécurité environnement. Service quoi? Qualité sécurité environnement. Ça consiste à quoi tout ça? L'analyse des risques pour les employés, puis un tas de choses chiantes. C'est un super taf qui te plaît apparemment. Hein. C'est ça, ça me plaît quand même. Bon, ouais, c'est le principal. Allez, quand tu veux, tu Christophe pour arrêter la roulette. Et on t'écoute, la compile Planète Rap 2016 et l'enceinte Monster Backfoot. Alors, ça dit quoi la roulette? Est-ce que tu bouges un petit peu cet été toi sinon? Ou tu bosses tout l'été? Non, je bosse tout l'été. Aïe. Après septembre. Ah, au mois de septembre, quand tu auras plus personne sur les plages, la plage sera pour toi toute seule. Exactement. Léa, il y a deux beaux cadeaux pour toi. La compile Planète Rap et l'enceinte Monster Backfloat, l'enceinte flottante de 200€, oh, c'est gagné. Super. Magnifique, je suis trop contente. Super. Et t'as bien fait de t'inscrire, t'as bien fait de nous appeler puisque tu repars avec tes cadeaux toi aussi, Léa. On te fait un gros bisou, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Oui, je voudrais faire une petite dédicace. Dédicace à mon chéri, à Gauthier, Charlotte et à toute la plateforme qui est en train de m'écouter. Ok, bah dédicace à toute la plateforme donc à l'écoute de Skyrock. On te fait un bisou, Léa. Courage pour le boulot aujourd'hui. Merci, gros bisous, au revoir. Au revoir, ciao Léa. La roulette de retour là tout à l'heure avec Maxime entre 9h et midi sur Skyrock. Il est 8h52 et Designer. On va l'écouter justement, extrait de la compile Planète Rap 2016. Panda arrive. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la fin. La fin de quoi? Des haricots? Au contraire, pour eux ça ne fait que commencer. Aujourd'hui et demain chez Lidl, les haricots verts fins origine France sont à 89 centimes le sachet de 500 grammes. 89 centimes le sachet de 500 grammes de haricots fins? Je suis vert. Tu me racontes pas les salades au moins? Bah non patron, cette fois les carottes sont cuites, hein. On est mal. Ah, on est vraiment mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,78€ le kilo, catégorie 1, origine France. Alors c'est cool d'habiter seul? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL et Murboransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Hit it. Leader Price. Je vais fermer les yeux et rêver que mon chariot se remplit de fruits et légumes. Ne rêvez plus! Super Leader est là avec ses choix malins! Et en ce moment, chez Leader Price, pour tout achat dans le rayon fruits et légumes, on vous offre 30% en bon de réduction! Alors vite, faites-le plein de fraîcheur! Merci Super Leader. Du 5 au 7 août dans votre magasin Leader Price, pour tout achat dans le rayon fruits et légumes, 30% offert en bon de réduction à valoir sur vos prochaines courses. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Voir modalité et liste des magasins participants sur leaderprice.fr. Du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Aïe ! Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise ? Celui-ci. Quel bouquet ce cidre à la pêche ? Vous avez du nez, Cléopâtre. Non, je dis ça au pif. Oh. Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée ! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Intermarché s'engage ! Les pêches plates, blanches, les moins chères de France sont à 94 centimes le kilo ! Mais c'est jusqu'à dimanche, quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur ! Intermarché, tous unis contre la vie chère ! Origine Espagne, calibre A, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence, voire modalité sur intermarché.com. Le Morning Rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Et même quand t'as rentre devant le tout puissant, j'essaie de garder la foi. En transe et démon, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le pète contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le voile. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là.